planches, fil de pêche et hameçons, vous pourrez sortir et faire cuire votre prise sur notre charbon de bois ou la rapporter chez vous. Un petit vin chaud au Jager sera servi aux pêcheurs afin de s'assurer que cette journée soit épique. Cette compétition amicale prendra place sur notre célèbre terrasse chauffée le lundi 1er avril dès 17h. L'Abreuvoir, pub, club, terrasse, pour voirie. Et le jeune et le moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Oh, que tu en as besoin, mais tu te demandes, quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matins de 7h à 9h. Ouh, c'est la magie de MCG! Yes! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi et Normal Amour, on va être là. Soyez-y! Oceaga présente The National live à Montréal le 13 juin au Canal Lachine. Avec invité spécial, The Bar Brothers. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 et sur evenco.ca. Pour en savoir plus sur le groupe, visitez le americanmary.com. The National, au Canal Lachine le 13 juin. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 29 mars. Le Terminus est une émission dédiée au rock indépendant. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble pour une heure pour écouter donc du rock indépendant. Je vous donne des noms comme ça, vous allez entendre. Il va y avoir The Great Wilderness, The Pseudo Surfers, Les Morts, Colin Green, Silver Dapple, Tear Talk et plein d'autres choses. Également, dans quelques minutes, j'ai un nouveau collaborateur, Romain Genicel, qui va venir nous parler du spectacle de Chris Cohen, qu'il a vu cette semaine en spectacle et dont il va nous parler. Et on va commencer, comme d'habitude, avec des nouveautés, des trucs qui sont sortis il n'y a pas tellement longtemps. Vous allez entendre dans le premier segment la musique de Nude Heart, qui est une formation d'un endroit dont on n'entend pas souvent parler. À part peut-être au niveau du hockey, donc c'est la ville de Columbus en Ohio. Ils viennent de faire sortir en février un EP. Il y a un EP sur lequel il y a la chanson Guiding Lines qu'on va entendre, et ça sera suivi de la chanson She Comes Alive du duo torontois Beliefs, qui seront à la Casa del Popolo ce dimanche en première partie de Kestrels. C'est vraiment à ne pas manquer. Mais pour tout de suite, donc, comme je le disais, Nude Heart, Guiding Lines sur les ondes de CISM. We'll be right back. pour actuellement des petits problèmes techniques avec le lecteur CD. On vient d'entendre pour la deuxième fois Nude Heart. On va plutôt maintenant entendre, à la place de Beliefs, le groupe d'Ottawa, Roberto Bondar. Ils étaient en spectacle la fin de semaine dernière. On écoute leur chanson Salt, qui est extrait d'un EP qui vient tout juste de sortir sur Bandcamp. Donc, on écoute Roberto Bondar, Salt, à l'émission Le Terminus. Directement d'Ottawa, c'était Roberto Bondar avec la chanson Salt. Comme je le disais, ça se retrouve sur leur EP Is, qui vient de paraître sur cassette et sur Bandcamp. Et on avait déjà eu l'occasion, plutôt dans l'hiver même, d'entendre la chanson Plaster Heart, qui était le premier extrait de ce EP-là de Roberto Bondar, disponible gratuitement sur leur Bandcamp. Je suis maintenant, en fait, et avant, on a entendu Beliefs, en fait, en partie, la chanson Beliefs, le groupe Beliefs en provenance de Toronto, mais malheureusement, bris du lecteur CD, donc on n'a plus l'entendre au complet. On se reprendra plus tard, peut-être la semaine prochaine. Je suis donc maintenant en compagnie de Romain Génicel. Bonjour. Salut Jean-François, bonjour tout le monde. Bonjour Romain, donc Romain, tu vas venir nous parler de temps en temps de spectacles que tu as vus en ville. Spectacles donc qui sont des groupes qui sont de passage ici oui, à Montréal. C'est ça, principalement des shows pop, rock, voilà, peut-être principalement anglophones. Je suis journaliste musical pour un site qui s'appelle Les Méconnus. Et évidemment passionné de rock. J'en ai vu déjà pas mal depuis que je suis arrivé à Montréal et j'y prends toujours du plaisir. Et j'en ai encore quelques-uns qui arrivent qui ont l'air vraiment intéressants. Oui, ok. donc et déjà cette semaine, tu es allé voir un spectacle. Cette semaine, oui, j'étais à la Casa del Popolo, mardi soir, pour un concert de, du méconnu, justement, Chris Cohen, qui est un guitariste de seconde main, on peut dire, qui a surtout collaboré dans l'ombre pour des groupes comme Dear Oof, White Magic, Ariel Spink. Et qui a aussi un groupe qui s'appelle The Curtains. C'est un guitariste qui vient de Los Angeles. Et suite à sa rupture amoureuse, il a décidé de déménager vers la côte Est, dans le Vermont. Et retranché, il a enregistré un album très rétro, psyché, psychédélique et assez mélancolique, faut le dire. Ouais, c'est ça. Et qui s'appelle Overgrown Path. C'est ça. Qui est sorti sur Capture Tracks, super label de Brooklyn, qui actuellement récupère tous les artistes intéressants. Ils lancent leurs disques. Chris Cohen dit d'ailleurs qu'il ne connaissait pas du tout les signatures de Capture Tracks avant, avant de se faire signer pour ce label. C'est ça qui est assez marrant. Super. Puis c'est le label aussi également de Mac DeMarco. Oui, tout à fait. Qui est un ami d'ailleurs de Chris Cohen, avec qui il va peut-être faire une collaboration. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Super. Qui était d'ailleurs là mardi soir à la Casa del Popolo. Super. Donc, ce qu'on peut faire, Romain, pour commencer, on va écouter justement une chanson de cet album-là de Chris Cohen, la chanson Monade, qui est un des gros extraits, là, dont il y a une vidéo même qui a été faite sur Internet, donc un vidéoclip. On écoute ça, puis tu vas nous parler peut-être de ton impression de Chris Cohen en spectacle et des premières parties qui étaient là au spectacle mardi dernier. Très bien. Super, donc tout de suite à l'émission Le Terminus, Chris Cohen, Monade. Chris Cohen et sa chanson Monade. Chris Cohen qui était à la Casa del Popolo mardi dernier en spectacle, donc à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Et Romain était là. Et Romain, donc on a entendu sur disque, on en a parlé un petit peu avant. Oui. Qu'est-ce que ça donne sur scène maintenant? C'est assez différent en live. Chris Cohen, déjà, est multi-instrumentiste, donc il a vraiment fait son album tout seul, derrière tous les instruments. Et mardi soir, il était derrière sa batterie. Et c'est sûr que pour chanter avec une voix qui a un souffle assez limité, mais qui reste très beau malgré tout, mais c'était un peu plus, je pense, complexe le passage au live par rapport à un album qui est quand même très bien produit et très riche, une folk très précieuse. Est-ce que tu lui suggérais peut-être de confier la batterie à une autre personne à l'avenir, ou... Je sais pas, il a l'air vraiment d'aimer jouer sur sa batterie. Il a des plans justement très progressifs aussi parfois. Il me fait beaucoup penser à Robert Wyatt de Surf Machine. Et des fois ça part un peu en prog, en jazz, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus appréciable, je pense, d'écouter l'album chez soi, qui est vraiment splendide, un beau disque pop moderne, que voir Chris Cohen. Je pense que c'est aussi ses débuts, c'est son premier album solo. Donc qui est encore un petit peu en exploration, en rodage peut-être de son spectacle aussi. C'est quand même quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre pendant 10 ans, derrière des groupes, et c'est sûr d'être devant face au feu de la rampe, devant un public, ça a dû un peu peut-être le stresser. Faut qu'il se rôde, je pense. Tout à fait. Et avant Chris Cohen, il y avait des premières parties. Alors, il y avait deux groupes, je pense, de Montréal. Un groupe s'appelle Paola, des très jeunes gens, emmenés par un petit blondinet plein d'énergie, qui font une sorte de dream pop très années 80. Clavier, hein. Ouais, c'est ça. Avec un clavier très important, des guitares un peu digitales. Et par rapport à d'autres groupes qui font justement ce genre de musique, ils le font avec une énergie, une joie qui était appréciable à voir. Ah, donc c'est intéressant. Oui. Puis les gens, je regardais un petit peu avant l'émission, c'est disponible, on peut l'écouter. Ils ont un album ou un EP disponible, c'est ça, sur Bandcamp. C'est ça, on peut les écouter. Je savais pas qu'ils étaient sur Bandcamp, mais parce que j'avais jamais vraiment entendu parler, mais tu as fait des meilleures recherches que moi. Le deuxième groupe était Noni Woy. Le leader, il avait son ancien groupe était Size and Naze. Là, c'est un nouveau groupe. C'est pas franchement mémorable comme concert que j'ai vu. Mais pas beaucoup d'infos sur Internet. Non, c'est ça. Mais une rythmique assez creuse, un chant plutôt effacé. Voilà, j'ai préféré aller peut-être discuter avec le bassiste du groupe de Chris Cohen dehors. OK, donc si on regarde dans le bilan de la soirée, Paola, c'est quand même une découverte intéressante. Voilà, très prometteur. À suivre, ça, des jeunes gens donc, qui vont continuer à évoluer musicalement. Donc, Et Chris Cohen, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Là, il est dans la folk un peu psychédélique à la Zombies, Nick Drake. Ça lui va très bien, mais je lui souhaite d'aller peut-être un peu mieux, là. Voilà. Oui, parce qu'on parlait de rupture amoureuse tout à l'heure, c'est ça. On lui souhaite peut-être de rencontrer quelqu'un et d'aller mieux pour un prochain album. Hein, quelque chose de plus joli. Mais en même temps, ça reste très beau. Voilà. Donc, à écouter. Parfait. Donc, c'était ça pour Chris Cohen. Et Romain, sinon, est-ce qu'à l'horizon, dans ton agenda, il y a des choses que tu vois à venir? Des spectacles en ville qu'il faudrait aller voir. Il y en a vraiment un paquet à voir un peu partout. Il y a Kestrel dimanche à la Casa del Popolo. Il y a peut-être Suns jeudi à la Sala Rossa. Mm-hmm. Et c'est certain, Waves et Fiddler la première partie encore, Cheetahs, c'est ça. Oh, c'est vraiment un trio. Ça, ça va être la fin de semaine prochaine. Ah oui, d'accord. Fin de semaine, c'est bientôt. Hein, c'est le 6. Oui, c'est le 6 avril. Donc, c'est quand même bientôt. Donc, Cheetahs, Fiddler et Waves. Je pense qu'il faut se dépêcher si on veut avoir une place, mais ça peut être une bonne soirée, très fun et très garage. Ouais. Ça risque d'être un peu chaotique, mais très marrant. Très intéressant. Oui, et Waves, qui sont justement, si je ne me trompe pas, le nouvel album, il arrive sur le palmarès de la station. Donc, ça risque de tourner beaucoup dans les prochains jours, prochaines semaines aussi. Très bon album à la Weezer. Certains spectacles où on risque de peut-être te croiser là, dans les prochains jours. Ah, c'est sûr. Super. Donc, ça peut être à venir rediscuter ici à l'émission. Ah, ben, prochainement. J'espère. Super. Donc, je te remercie, Romain. Merci à toi. Donc, à bientôt. À bientôt. Nous, on va aller en musique avec une gang de gens du Costa Rica. Ils s'appellent The Great Wilderness. Et les données matérielles qu'ils ont produites, c'est en 2011. Et c'est la chanson Dark Horse. Ils étaient la semaine dernière au Canadian Music Week, justement, pour présenter quelques nouvelles chansons. Donc, en attendant d'avoir ça dans nos oreilles, on écoute donc tout de suite sur les ondes de CSM Dark Horse du groupe The Great Wilderness. Thank you. The Great Wilderness avec Dark Horse, une chanson qu'ils ont fait paraître il y a 2 ans sur leur Bandcamp. Et on continue, on perd pas de temps, on va maintenant écouter Vanessa Parietta, un groupe qu'on connaît. Ils avaient annoncé dans les dernières années un nouvel album pour 2012, mais là on est en 2013 et toujours pas de nouvelles de cet album-là. Et cette semaine, un des membres du groupe qui était questionné là-dessus sur le forum Indie Québec, dont je les salue, un forum super intéressant pour découvrir ce qui se passe sur la scène locale. Et bon, ce qui semblerait, c'est que avec les projets personnels des différents membres du groupe, le projet d'album va pas aussi rapidement que prévu. Donc, en réaction à ça, il y a l'intérêt que pour Vanessa Parietta quand même, un groupe rock assez intéressant en français. Ils ont décidé de faire apparaître les 6 chansons donc sur Internet qui étaient terminées en prévision de ce nouvel album-là qui va s'appeler Le bruit nous emportera. Un album qui marque un petit changement dans le son du groupe, là, un peu plus électronique, un peu plus pop et lourd en même temps. Et donc, on avait déjà 2 chansons qui avaient été publiées sur Internet dans les derniers mois. Maintenant, on a 4 donc nouvelles chansons. On va entendre, nous, la chanson « Rester dans l'ombre » de Vanessa Parietta. Et on se retrouve tout de suite après. Enfin, on écoute 2 autres chansons. Ensuite, il va y avoir du Colin Green, également du Silver Dapple. C'est toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. We'll be right back. Silver Dapple avec 1-2 de leur album English Girlfriend. Il s'était précédé de Colin Green avec Heavy Shit qui se retrouve sur son tout nouvel album Suck It To Me. Et la belle Colleen sera à Montréal ici le 26 avril au Drone Club que je connais pas. Mais selon mes petites recherches que j'ai faites tout à l'heure, ça se trouve cette salle-là au coin de Parc et Beaubien. Et c'est, étrangement, c'est la même localisation que l'ancien bar Jackie and Judy. Donc peut-être que c'est le même local qui occupait autrefois la salle Jackie and Judy, donc au coin de Parc et Beaubien. 26 avril pour Colin Green. On retourne maintenant avec, cette fois-ci, une bande de Melbourne en Australie. Il s'appelle Deep Heat. On écoute Transit à l'émission Le Terminus. C'était Mathias Mental avec Motel Sunrise, qui est sa seule chanson en français. En fait, jusqu'à cette semaine, où il a sorti une deuxième chanson qui s'appelle Les Mensonges. Les Mensonges, donc sa deuxième chanson en carrière, parce que lui, Mathias Mental, travaille habituellement en français. Travaille habituellement en anglais. Donc, c'est intéressant de le voir travailler en français à l'occasion. On va retourner maintenant en musique avec les Jovialistes, leur chanson Pas à Verdun. Ce sera suivi de Pseudo Surfers et leur chanson Jungles of Iron. Tout ça sur les ondes de CISM, l'émission de Terminus. Il y a plein de vaisselle sur mon comptoir. Te gis pas. Je fais ça demain. Il y a une boule de linge sur mon plancher.

CISM. Je n'irai pas. Bonjour, c'est Legendary Goo.